on s'est rencontrés. Tu étais la plus belle, tu étais une beauté. Mais ça n'a pas changé, ta manière de m'aimer, ta manière de t'habiller, ta façon d'être avec moi. Même si je fais des billets, je pourrais jamais t'oublier. Même si demain c'est fini, parce que tu m'as supporté. Même quand j'avais pas la Lamborghini, quand tu t'énerves, je m'en vais. J'ai une arme, et même si j'ai les nerfs, jamais je frapperai une femme mignonne et charmante avec un cœur en diamant. C'est mon top modèle, je l'aime comme avant. Son petit corps, c'est pour moi. Allez, danse avec moi pour voir. Allez, danse avec moi pour voir. Ton sourire me donne des pouvoirs. Elle conduit le bolide pendant que je construis le bering. C'est mon bébé, mon acolyte. Je calcule pas même si ça me l'aime. Petite la guerre, elle est comme mon carré. Elle a mis les boucles dorées. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit un jour je l'aurai. Elle a fait la coupe au carré. Elle a mis les boucles dorées. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit un jour je l'aurai. Je t'emmènerai sur la lune si je pourrais. Je serai plus avec toi si je pourrais. Trop content je suis avec toi. Prends le volant bébé, je pourrais. Et si tu restes droite, droite, droite, droite, droite, droite, j'irai pas à gauche. J'ai pas envie de t'insulter, alors c'est mieux que je te raccroche. Je te raccroche. Tu es là depuis le début, depuis que rien dans la poche. Rien dans la poche, bébé, viens, ça m'brouille pas, Tu préfères pas quand je rapproche, proche. Oh, j'm'appelle là, moi, elle s'en fout de mortier là. On n'aime pas se montrer, on vit mieux caché là. Au chinois, elle, tu sais que je l'aime. La, la, la, la, la, la. Elle, c'est mon bébé. La, la, la, la, la, la. Quand je la vois plus de haine, la, la, la, la, la, la. J'arrête de m'inquiéter. La, la, la, la, la, la. Je tourne pas de dos à mes homies. Je tourne pas de dos à ma gadi. Même si dehors, quand ça me pisse, je reste fidèle comme un papy. À deux sur la brigade, mon bijou, ouais, c'est ma cuite. Je la préfère au naturel. Quand elle se maquille, de hasta la muerte, hasta la libertad. Ma femme, c'est ma fierté, c'est ma petite la guerre.